entre les mains, sous mes phalanges encore timides, en couverture, en escalier, j'allais connaître l'ivresse du vide, le vertige typographique des caractères entremêlés. La vie devant soi, disait le titre du livre où j'allais me noyer. L'électrochoc de papier fait naître en moi un monde insoupçonné. Sous mes yeux se dessine l'intrigue née d'une plume inspirée. Les mots me chuchotent leur histoire, je leur murmure ce que je vois. En tête, à tête, à tête, oh tête, avec Ajar s'exprime la face cachée du moi. Étagères enferment aussi quelques souvenirs de jeunesse, comme toutes ces lectures collégiennes qui nous ont donné bien du mal. De Baudelaire à Maupassant, pas de limite à ma paresse lorsqu'il s'agissait de finir l'un de ces livres interminables. Cimetière, un manuel pratique de chimie qui, dans la seconde qui suivit, fit sur ma tête l'effet d'une brique de ses écrits hiéroglyphiques. Préférant de loin l'air du large aux destinations scientifiques, je me suis offert le voyage d'un marin dans le Pacifique, qui m'expliquera entre deux lignes les humeurs de nos océans. En conclusion de son récit sur les saisons qui foutent le camp. Pourtant je m'aventure aujourd'hui à l'écriture de deux, trois actes d'une existence hypothétique où je cracherai tous les mots sur une feuille en ligne de mire d'une mine verte de traque, un champ de ratures qui se battent afin d'avoir le dernier mot. Le soleil s'étire, que le sommeil vient me cueillir. Je doute alors sévèrement sur tout ce qui bouillonne en moi. Je revisite les plus grands que Jacques Prévert à Boris Vian. Puis je me dis finalement